Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage, produite par Richard Federman. La véritable sagesse n'est pas une assurance tout risque. Peut-être est-elle une espèce d'ouvre-boîte de la connaissance. Ainsi, elle se différencierait de la vérité, de l'erreur ou de l'ignorance. C'est un espace de recherche joyeux et libre que je vous invite à vivre dès maintenant. Il y a des personnalités qu'il est bon de croiser au moins une fois dans sa vie, juste pour nous donner l'eau à la bouche. Pour ma part, je l'ai côtoyé une dizaine de fois en lui organisant deux conférences à guichet fermé. Elle a été l'inventrice de la cuisson à la vapeur douce qui a remplacé la fameuse cocotte minute sous pression et qu'on appelle aujourd'hui le vitaliseur de Marion. Depuis 30 ans, elle a rencontré des experts et des précurseurs mondiaux de la santé. Elle a exploré nos paysages alimentaires du paléobiotique à la méthode Kousmin. Vivre complet et non pas parfait, tel est son sacerdoce. Marion Kaplan a dédié sa vie au savoir bien se nourrir en affirmant que 80% des maladies pouvaient être guéries par une bonne alimentation. Je lui ai posé les 10 questions de santé glanées au fil de ses nombreux ouvrages. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Aujourd'hui dans Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage, je vous invite à écouter la deuxième partie de notre émission en présence de Marion Kaplan. Changer d'alimentation, c'est comme toucher quelque part à l'éthique de la personne. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que toutes les religions se sont intéressées à l'alimentation. Par exemple, les Juifs et les Arabes ne mangent pas de cochon. D'ailleurs, ils n'ont pas tort. Hein. Et ils ont toujours observé des carèmes, des jeûnes, des stops alimentaires, pour justement s'interpeller sur cette nourriture. Cette nourriture ne devrait jamais être automatique. Elle devrait toujours... D'abord, s'articuler selon les saisons. Maintenant, on mange des fraises en hiver, ça ne va pas. Donc, on devrait manger les aliments d'où on est, à la saison où on est. Et les religieux étaient plus là-dedans. Les moments de carême, c'est le moment du mois de mars. Début. Le mois de mars, en général, est un mois assez creux dans un jardin. Moi, je n'ai plus rien dans mon jardin. Les artichauts commencent à pousser, mais je n'ai pas grand-chose, hein. Donc c'est là où on observe un jeûne. Et en observant un jeûne, on peut s'observer en ayant faim, s'observer en étant peut-être fatigué. Comment je suis quand je ne mange pas? Comment je suis? Est-ce que j'ai peur de manquer de nourriture? Tout ça interpelle et nous permet de nous ressaisir. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect religieux dans l'alimentation et que les religions ont quand même des trucs bons, hein. Tout le problème, c'est que les religions, au lieu de relier les gens, elles les a séparés. C'est quand même bête, quoi. Sous prétexte que le Dieu, on va l'appeler différemment, pour moi, Dieu n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Nous sommes des dieux. Pourquoi aller chercher un être extérieur alors que l'entité, elle est à l'intérieur de nous ? Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. C'est pour ça que c'est dommage qu'ils aient loupé leur cible. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de crises religieuses parce que les gens ne veulent plus en entendre parler. Et c'est pour ça que les intégrismes sont tellement forts. On va tuer pour vous obliger à être dans une religion. Vous vous rendez compte ? C'est grave quand même. Donc moi, je veux sortir de tout ça. Et on va aller au septième commandement, justement, qui nous parle de ce fameux triangle qu'on appelle triangle dramatique. Victime, sauveur, persécuteur. Alors ça, c'est un truc. Moi, j'étais la reine des sauveteuses. Il faut savoir que quand vous voulez sauver quelqu'un, qu'est-ce que vous faites ? Vous sauvez une victime, vous êtes d'accord ? Sinon, vous n'êtes pas un sauveur. Donc si vous sauvez une victime, ça veut dire que la victime, vous la laissez à l'état de victime. Donc la pauvre victime, elle a son sauveur, ok, elle est contente, mais elle reste victime. Et cette victime, au bout d'un moment, elle en a ras-le-bol de tenir ce rôle, et elle va devenir votre persécuteur. Et c'est une roue infernale. Le jour où j'ai pris conscience de ça, je suis oulala. Et encore, je me suis fait prendre il n'y a pas si longtemps que ça, parce que on se fait prendre, hein, on se fait piéger. Hein. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui lui appartient ? C'est comme ça, message de vie. Vous écoutez Marion Kaplan dans Message de vie. Et ça, quand on fait ça, il y a je chemine mes 50%, mais l'autre doit cheminer ses 50%. Je ne vais pas être dans l'aide absolument, parce que si j'aide absolument quelqu'un, je ne lui permets pas d'avoir les ressources pour s'en sortir. Je peux lui donner un coup de pouce, mais c'est à elle de faire le cheminement. C'est pas à moi de le faire à sa place. Et tout le problème, c'est que notre société nous encourage non seulement à nous victimiser, « Oh, pauvre nous, on est malade », et d'aller chercher des sauveteurs qu'on va payer, les médecins, et on ne s'en sort pas, quoi. On ne s'en sort pas. On nous a déresponsabilisés. « Ah, c'est la crise, voilà, c'est la faute à la crise. » Eh ben non. Pourquoi c'est la crise pour les uns et pas pour les autres ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous ruinés ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous au chômage ? Il y a un problème, non ? Pourquoi il y en a qui bossent, il y en a qui ne bossent pas ? Donc là, ça va très loin. Hein. Parce qu'il va falloir trouver le cheminement qui peut être transgénérationnel du pourquoi vous n'avez pas de bol parce que vous avez été dans telle entreprise qui a licencié, etc. Alors moi, je dis aux gens, ok, vous avez été licencié, qu'est-ce que vous savez faire ? On sait tous faire quelque chose. Pourquoi ne pas mettre à profit ce qu'on sait faire ? Ça peut être dans l'art. Redevenons paysans ou redevenons artisans. Pourquoi est-ce qu'on serait dans ces supermarchés où maintenant tout est fait dans des usines, alors qu'il y a de l'art, on peut créer des petites choses, on peut répondre à des besoins locaux. Il y a beaucoup de vieux qui auraient besoin d'aide et justement qui pourraient payer des jeunes pour les aider à faire les courses. Il y a toujours plein de choses à faire, il faut être créatif. Mais si on est là, monsieur, je veux que tu m'emploies, on ne s'en sort pas. Prenez votre responsabilité. Il n'y a plus d'emploi pour vous dans ce domaine. Cherchez-en un autre. On n'est pas stéréotypé pour un travail. On peut en faire plein d'autres. Moi, je me suis mise dans la nutrition. Pourquoi ? Parce que tout ce que je fais, c'est ma vie. C'est ma quête, c'est ma recherche. Mais j'ai été relations publiques, j'ai été journaliste, je pourrais être chanteuse. Hein. Je pourrais faire plein de choses. Musicienne. Je pourrais diriger un orchestre. À 10 ans, je voulais être chef d'orchestre et je dirige des orchestres. Donc, je pourrais faire plein de choses. Message de vie. Donner à comprendre. Thank you. Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage. Aujourd'hui, Marion Kaplan, notre invitée. Donc finalement, on regarde tous les gens qui travaillent le soir ou le week-end, font des choses exceptionnelles. Mais ils disent, c'est mon hobby. Pourquoi on n'en ferait pas un métier finalement ? Absolument. Bah, je connais une fille, son hobby c'était les patchwork. Et la fille, elle n'avait pas travaillé, elle était infirmière avant, elle s'est mariée avec un mec qui avait du fric, donc elle n'avait pas forcément besoin de travailler. Et puis elle faisait ses patchwork, puis elle se réunissait en copine avec des patchwork. Et bien elle a fini par faire un magazine de patchwork qui marche du feu de Dieu. Donc c'est génial ça. Ma sœur par exemple, qui a toujours fait des travaux à droite à gauche, qui n'a pas fait d'études, maintenant elle fait des photos, mais magnifiques, que Géo lui demande. Et elle s'est branchée sur les taureaux et sur les chevaux camarguais. Et elle fait des photos, mais extraordinaires. Donc elle s'est découvert ce talent et petit à petit, elle peut en vivre. Donc ça, je trouve ça génial, quoi. Donc trouvez votre talent, trouvez ce qui vous touche, qui vous inspire. Et c'est pas forcément stéréotypé. Soyez à l'écoute de ce que le monde demande, de ce que votre monde dans votre entourage demande, parce qu'on a tous des besoins. Et on n'est pas tous complets, on a tous des choses qu'on sait faire, des choses qu'on ne sait pas faire. Eh bien, faites les choses que les autres ne savent pas faire, et réciproquement. Et c'est ça l'entraide. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Eh bien, on va arriver à mon 8e commandement, qui est résoudre ses conflits pour rester en bonne santé. Parce qu'effectivement, un conflit, ça rend malade. Et vous êtes ainsi fait, votre cerveau, ou plutôt l'information véhiculée par les protéines de votre sang vers votre cerveau, parce qu'on sait que le cerveau, c'est une boîte à beurre avec des fusibles, mais ce n'est pas forcément lui qui commande tout. C'est un récepteur, émetteur, mais il y a des informations dans tout votre corps et dans votre sang. Et donc... Votre cerveau cherche constamment la meilleure solution possible pour corriger vos défauts de fonctionnement et faciliter votre survie. Vous êtes d'accord ? Et donc, pour lui, le stress ou le conflit que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu longtemps auparavant est à résoudre impérativement. Si la solution pratique n'arrive pas de l'extérieur, si les événements ne s'arrangent pas d'eux-mêmes, ou bien si vous n'êtes pas arrivé à dépasser le problème, votre cerveau trouvera une solution qui vient de l'intérieur. Cette solution, c'est la maladie. Le maladie. Tu l'écris comment ? Eh bien, on peut l'écrire le mal a plus loin dit D-I-T. Hein ? Décomposer le mot maladie. Ah oui, je ne suis pas la seule à avoir fait ça. Hein. Ça se fait depuis longtemps. Donc quelqu'un qui tombe malade s'éloigne de son souci, de son conflit pour s'occuper uniquement de sa maladie. Ça occupe. Hein ? Donc, il devient plus préoccupé de sa guérison que par exemple de la recherche d'un crédit pour sa maison ou de la trahison de son associé. La maladie est alors la meilleure solution que son cerveau ait trouvée pour lui donner une chance de réfléchir à ce qui ne va pas dans sa vie et de le changer. Mais le problème, c'est qu'on écoute rarement les signaux de son corps, les petits mots qu'il envoie pour attirer l'attention, les maux de tête, les douleurs, les chocs, les coupures. Et le cerveau, on l'appelle aussi notre inconscient, doit alors frapper plus fort pour se faire comprendre. La maladie devient en sens un alibi permettant de fuir les problèmes qu'on ne parvient pas à résoudre. Donc c'est très important de comprendre qu'il ne faut pas qu'il y ait de surchauffe là-haut. Donc pour ne pas qu'il y ait de surchauffe quand on a un conflit, eh bien, c'est comme si le cerveau prenait un câble et il va le brancher dans l'organe qui correspond à la problématique et au conflit. Par exemple, si j'ai une problématique de marquage de territoire chez moi, que mon mari ne me laisse pas ma petite pièce à moi, qu'il ne veut pas que je mette le meuble de ma grand-mère dans le salon, ou on n'est pas d'accord sur la couleur des rideaux... je peux en faire des cystites à répétition. Et les femmes sont très douées pour faire des cystites, par exemple. Des infections urinaires, des choses comme ça. Ou ce que je disais tout à l'heure, c'est le territoire d'une femme, c'est son corps aussi. Et il y a des hommes qui, même après 40 ans de mariage, sont aussi vaillants alors qu'elles en ont ras-le-bol. Et au bout d'un moment, le seul moyen de le laisser à distance, c'est de faire des infections. Comme ça, il ne viendra pas vous embêter. Donc, il prendra une maîtresse. Ouais, bon, ça, c'est le risque. Mais si c'est en accord. Ouais, bon, c'est rarement en accord quand même. Hein. C'est pas encore dans nos sociétés. Hein. Bah alors, comment accorder nos violons alors? Comment accorder ce rapport? Ah, ben, j'avais vu un couple comme ça. La bonne femme ne voulait plus entendre parler de son mari, qu'il la touche. Elle ne voulait plus de ça. Et alors, j'ai vu le couple tous les deux. Hein. J'ai dit, mais alors, est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que votre mari ait une maîtresse? Elle a dit, non, non, il fait ce qu'il veut, je m'en fous complètement. Mais le mari, lui, il voulait pas. Il s'est complètement... Il était hors de ça, c'était hors de question qu'il prenne une maîtresse. Eh bien, il est mort d'une tumeur au cerveau. Vous vous rendez compte? Il en a fait une maladie, il a préféré mourir que de tromper sa femme. C'est un truc de fou quand même. Hein. Donc, vraiment, un conflit peut rendre malade. Et essayer de comprendre. Et ça, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a des livres, il y a des dictionnaires qui nous permettent de nous aiguiller si on a du cholestérol, si on a un cancer, si on a un cancer du sein ou plutôt de la thyroïde. Selon la tonalité de l'organe, le conflit est différent. Si on a des problèmes rénaux, si on a des sciatiques, etc. Tout ça nous dit des choses sur nous. Comment voulez-vous que notre âme puisse nous causer, à nous, mentaliens? Le seul moyen qu'elle a de nous causer, c'est par la maladie. En disant, hey, arrête de déconner, là ça va plus, c'est pas par là la direction, écoute-moi. Si on s'écoute pas, on s'enferme. Et on s'enferme dans des maladies de plus en plus graves. Si on écoute, on dit, attends, on est interpellé, attends, pourquoi j'ai mal dans le bas du dos? Ah, est-ce que je manque de soutien en ce moment? Ou si j'ai complètement des surcharges sur les épaules, j'ai mal dans le haut du dos. Ah tiens, c'est peut-être que je prends trop de charges sur mes épaules. Il va peut-être falloir que je délègue. Ouais, tout est comme ça. C'est une symbolique formidable une fois qu'on sait la manier. Et ça permet de faire de la prévention pour ne pas sombrer dans les conflits. Quel est le meilleur livre écrit là-dessus sur les symboles du corps? Ben, y a un dictionnaire des maladies qui a été écrit en Belgique, qu'on peut trouver par Internet uniquement, sur le site www.tigalete.be. Et c'est une collégiale de Toubib qui ont réfléchi avec tous les patients qu'ils avaient. Et chacun, quand il y avait un cancer de l'estomac ou... un dysfonctionnement rénal ou un diabète, se sont interpellés et ont conjugué tous les conflits qu'ils ont vus par rapport à ces patients. Et donc, ils en ont fait un dictionnaire en expliquant ce que c'est que la maladie sur le plan symptomatique et quelle est la tonalité du conflit et quels peuvent être les mots guérisseurs. Parce qu'un mot peut être maladisant ou guérisseur. En termes de prévention, quand il y a des petits bobos, c'est de comprendre pourquoi je ne digère pas, pourquoi j'ai mal au foie, pourquoi j'ai mal à la tête, pourquoi j'ai mal ci, j'ai mal là. Au lieu de prendre un médicament qui va être un pansement, qui va être une béquille, je vais essayer de m'interpeller pourquoi j'ai ce signal. Et si j'ai ce signal, est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai respiré? Est-ce que j'ai fait du sport? On en revient à mes 10 commandements. Hein. Est-ce que j'en veux encore à ma belle-mère? Est-ce que finalement je suis super contrariée parce que j'attendais que mon mari me fasse un cadeau et puis il ne m'en a pas fait? Ou est-ce que j'en veux encore à ma mère, à mon père, etc. etc. Mais il y a tellement de choses qu'on a à régler qui rendent malade. Donc la maladie est là pour nous aiguiller sur la tonalité du conflit. Souvenez-vous ce film avec Yves Montand, c'était François-Paul et les autres. Hein, et Montand avait une usine, et cette usine va déposer le bilan. Et au moment du dépôt de bilan, il fait un infarctus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'infarctus, c'est le conflit de perte de territoire. Il perd son territoire, ce n'est pas possible pour lui, il fait son infarct. C'est incroyable que, je ne sais pas s'ils étaient au courant de ça, les gens qui ont fait ce film. Mais le conflit était vraiment ça. Regardez Ray Charles. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ray, où on voit l'enfance de Ray Charles. Vous l'avez vu ou pas? Donc, on voit Ray Charles qui voit son petit frère tomber la tête la première dans la bassine qui lave le linge et se noie. Et Ray Charles ne bouge pas. Il observe son frère en train de se débattre et de se noyer. Et sa mère arrive en hurlant, machin et truc. Et quelle est la solution gagnante pour lui ? Pour se punir de ne pas avoir sauvé son frère. C'est comme il a vu, et que c'est la vue qui était culpabilisante. Il perd la vue et il devient aveugle. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est des prises de conscience qui doivent être des sauts quantiques, des percées. C'est pas une petite prise de conscience molle. C'est « Oh !» Mais c'est bien sûr. C'est comme ça, message de vie. Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES Plus Loin Sage, avec Marion Kaplan. Nous sommes là pour évoluer, nous sommes là pour grandir, nous sommes là pour nous transformer, et ces prises de conscience font partie de cette maturation, à partir du moment où on le veut bien. Si on ne veut pas, ce que je dis aux gens, je dis bon, est-ce que vous pensez que vous êtes là pour naître, ensuite grandir, ensuite vous marier, faire des enfants et crever? Vous n'êtes pas là que pour ça quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est comme ça, message de vie. Aimer l'autre comme soi-même. Évidemment. Qui est-ce qu'on a le plus de mal à aimer? Eh bien, c'est soi-même. On ne s'aime pas. Alors, on voudrait que l'autre nous aime, mais comme on ne s'aime pas, comment voulez-vous nous aimer? Aimer l'autre ou qu'on soit aimé de lui si on ne s'aime pas nous? Et comme vous disiez tout à l'heure, s'aimer, il faut prendre le paquet, il faut prendre les qualités, les défauts avec. Hein, comme Manoukian, on prend le personnage et sa musique. Bien sa musique. Mais le personnage, non. Bon, mais peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à le connaître. Donc, alors la question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que vous aimeriez vivre avec quelqu'un comme vous? Alors, non, pas du tout. Ah, j'aimerais pas vivre quelqu'un comme moi. Tata. Donc déjà, est-ce que tu aimerais vivre avec toi-même, quoi, avec quelqu'un comme toi? Donc ça, déjà, ça interpelle. Hein. Mais qu'est-ce qui est aimé, qu'est-ce qui est aimé? On aime le chocolat, hein, donc on met ce verbe-là pour plein de choses. Mais je dirais heureusement que l'état amoureux existe, parce que c'est lui qui nous permet de nous guider et de nous donner envie d'aimer. Et de s'aimer en soi et hors de soi. Donc pour moi, l'autre est un petit peu un thermomètre de savoir où j'en suis de moi-même. Si je ne rencontre que des gens qui sont pas gentils avec moi, qui m'en veulent, qui me brutalisent, etc., ça veut dire que je suis pas gentil avec moi et que je me brutalise. Donc au lieu d'y dire le tutu, hein, tu ni ni ni ni, je vais rapporter ça à moi par effet de miroir et me dire, est-ce que moi je prends soin de ça? Est-ce que moi je me brutalise pas? Est-ce que moi je suis pas trop dur avec moi-même, etc. Donc c'est tout un travail aussi, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est s'accepter. c'est de donner le droit d'être comme on est, se donner le droit de faillir, mais de prendre des décisions, de petit à petit faire de mieux en mieux. Mais accepter nos limites, accepter qui on est. C'est comme ça, message de vie. Si je mesure 1m62,5, ce qui est mon cas, et d'être brune, je ne serai jamais une blonde 1m80, fluette, non, jamais. Donc je vais m'accepter telle que je suis. Si je ne le fais pas, qui le fera ? C'est l'âge qui le fait, non ? Tu crois pas qu'avec l'âge, on commence à... Pourquoi avec l'âge, on arrive mieux à comprendre, toi qui as l'expérience ? On comprend mieux pourquoi, parce qu'on finit par lâcher prise, on finit par se dire, de toute façon... on ne va pas en s'améliorant normalement sur le plan physique, hein. Donc ce que je vois, c'est que les jeunes, elles sont belles, elles sont tout ce que vous voulez, elles s'emmerdent la vie parce qu'elles ont 10 grammes de cellulite ou parce qu'elles ont un truc qui leur déplaît, alors que moi, ce que je dis à ma fille qui est une beauté, il est toujours à dire ah, dis donc, j'ai pas fini, ah, mais je dis, écoute Marine, t'es magnifique, mais profites-en, parce que plus tu vas avancer, bah, plus il y a des plis qui vont se faire, il y a des trucs, donc profite, accepte que t'es belle et puis prends-le pleinement, quoi. Et c'est vrai que quand on est jeune, on est hyper branché sur le regard de l'autre. Et ce regard de l'autre, ce jugement de l'autre, alors que quand l'autre nous juge, ben, il nous juge en fonction de qui il est, de ses croyances, de ses conditionnements. Donc quand on est jugé par l'autre, quand je te juge, je me juge, puisque je te juge en fonction de qui je suis. Donc on s'en fout du jugement de l'autre, finalement. Puisque les gens vous jugent en fonction de qui ils sont. Toi, une fois que j'ai compris ça, ça m'a libérée. J'ai mis du temps. Message de vie. Entendre un monde qui nous entoure. Vous écoutez Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES Plus Loin Sage, en présence de Marion Kaplan. Alors mon 10e commandement, alors ça c'est le meilleur, c'est pour la fin, parce que c'est vraiment comprendre que nos pensées créent le monde. Comme dirait Gandhi, vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et ce que je voudrais dire, c'est que, en disant que nos pensées créent le monde, c'est vrai. Parce que nos pensées, elles arrivent avec le langage. Vous êtes d'accord ? Je vais vous lire juste un petit paragraphe. Nous sommes tellement fusionnels avec nos pensées, elles sont tellement collées à notre vision, qu'on n'y prête aucune attention. Si je vous dis que vos pensées conditionnent vos actes et votre avenir, vous allez encore dire que je vous crée une théorie de plus, etc. Pourtant, depuis notre naissance, nos pensées sont apparues avec le langage. Avant de savoir parler et écrire, le monde n'était que perception, ressenti, plaisir, douleur, etc. Puis, on a appris que ce morceau de tissu était une chemise et qu'elle était rose. Mais si on éteint la lumière, il n'y a plus de chemise, il n'y a plus de rose. Il faut que vous allumiez la lumière pour voir la chemise et pour apprécier qu'elle est rose. La couleur n'existe pas la nuit ou dans le noir. Et s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de rose, il n'y a pas de couleur. Donc le langage est à la réalité ce que la couleur est à la lumière. Le monde peut apparaître, votre monde naît, mais vous ne saurez jamais quelle est la nature de la réalité, puisque le langage avec lequel vous vivez la réalité vous donne la réalité que vous vivez. Comprenez ça, c'est super important ça. Le langage est collé à votre vision et vous ne pouvez jamais savoir ce qu'il y a hors de votre vision puisque c'est votre vision qui vous fait voir ce qu'il y a dans le monde. C'est ce qu'on appelle le prisme. Chacun naît à un moment donné, dans un lieu, un environnement donné et des croyances données. Le prisme d'un Brésilien né dans une favela à Rio, avec à peine de quoi manger et abandonné par ses parents, n'est pas la même chose qu'un enfant né en France, dans une famille de lotis, des parents aimants et bienveillants. Non ? Donc on sait que depuis Galilée que la Terre est ronde. Mais ronde, ça n'existe pas dans la réalité. Ronde est devenu le nouveau langage avec lequel on interprétait la réalité Terre. Quand vous marchez, vous savez qu'elle est ronde, vous ? Il a fallu qu'on vous explique qu'elle était ronde. Mais moi, je ne sais pas qu'elle est ronde. Moi, je marche, elle est droite, hein, la Terre. Le temps et l'espace sont très relatifs, nous a dit notre cher Einstein. Il n'y a ni temps ni espace ailleurs que dans le langage. Le temps n'existe que parce que vous allumez la lumière du langage. De même que la chemise n'est rose, n'est pas rose, c'est le langage qui la rend rose. Ce que vous voyez, votre réalité, c'est ce que vous avez allumé avec votre langage, donc avec vos pensées. Votre langage, c'est votre parole. Et cette parole crée votre réalité. Il n'y a pas de « je » ou de « vous » avant que vous ayez allumé la lumière du langage. Ainsi, votre parole crée la réalité dans laquelle vous allez exister. Quand vous donnez un nom à un enfant, vous allumez la lumière. Quand vous racontez votre histoire et que vous parlez de vos douleurs, de vos erreurs, vous ne pouvez la voir autrement. Votre langage vous réduit à votre interprétation. Vous avez oublié ce qui s'est vraiment passé, car vous avez toujours interprété avec votre vision. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Si vous regardez bien, l'avenir est nulle part. Il n'existe pas. Votre réalité, elle naît seconde après seconde. Il n'y a pas de temps. Le temps, c'est vous qui le construisez en faisant des liens entre ce qui s'est passé et ce que vous croyez qui va se passer. Ainsi, celui ou celle que vous êtes dans le présent est donné par votre passé. Donc, votre passé, c'est votre avenir. Prenons un exemple. Vous avez un mois de vacances, vous arrivez dans le sud, si vous habitez dans le nord, il fait beau, la mer est bleue, le sable est chaud. Oh, chouette, oh, c'est merveilleux, vous êtes sur le sable, vous avez la patate, vous êtes de bonne humeur et vous êtes heureux. Prenons le même exemple. Vos valises sont dans le coffre de votre voiture. Il fait toujours aussi beau, la mer elle est toujours aussi bleue et le sable il est toujours aussi chaud, sauf que vos valises sont dans la voiture et que dans une heure, il faut que vous la preniez pour remonter. Et vous faites la gueule. Pourtant, c'est le même soleil, c'est la même plage, il fait aussi beau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben finalement, on s'aperçoit que c'est le contexte dans lequel on vit les choses qui crée la chose. Donc, soyons plus intelligents et changeons notre interprétation au contexte qu'on est en train de vivre. Et à ce moment-là, on va le vivre différemment. Si vous tondez un gazon en faisant la gueule parce que c'est une corvée, ça sera compliqué. Si vous tondez le gazon en disant « Oh, je leur fais du bien aux petites herbes, elles vont devenir fortes, mes petites herbes, et puis ça va me faire une belle pelouse », eh bien, vous allez être heureux. Parce que vous allez contribuer à ce que cette pelouse, eh ben, elle va vous remercier parce qu'elle va bien pousser. Parce qu'on sait maintenant qu'on peut communiquer avec les plantes. C'est bien, non? Donc, il faudrait changer intérieurement l'interprétation du contexte qu'on a. Donc, nous, on nous met dans le contexte, c'est la crise. Eh bien non. Moi, je dis, c'est un merveilleux moment de transmutation où tout est possible et où on peut tout générer. C'est pas la crise, non. Ça, c'est le contexte du verre à moitié vide. Moi, je vois le verre à moitié plein et je vais le remplir de bonheur, de bienveillance, d'ouverture, de conscience, de plein de belles choses, de plein de congrès magnifiques. Message de vie, donné à comprendre. Écoutez Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MESP Loin Sage, en présence de Marion Kaplan. Alors, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur les 10 commandements? Je vais terminer avec cette histoire de langage parce que c'est quand même drôlement important. C'est que le monde... Déjà, Einstein, il est quand même costaud. Et vous savez ce qu'on a découvert chez Einstein? Et ça, c'est un monsieur qui a travaillé sur le langage, un type du CNRS, qui sera d'ailleurs sûrement à un de mes congrès. Et alors, ils ont voulu le couper, le cerveau, machin. Mais on s'est aperçu qu'il avait deux cerveaux droits. Parce qu'il y a le cerveau droit et le cerveau gauche, pour ceux qui ne savent pas. Le cerveau droit... C'est le cerveau où on voit un dessin, c'est facile. C'est le cerveau créatif, intuitif. C'est pas compliqué, le cerveau droit. Dès que ça devient compliqué, il balance au cerveau gauche. Le cerveau gauche, il analyse, il triture, il se prend la tête. C'est le mentalien, le cerveau gauche. Mais le cerveau droit, il prend en direct. Il prend un symbole. La tour Eiffel, clac, c'est Paris. Ça, c'est un symbole. Et donc, Einstein avait deux cerveaux droits. C'est pour ça qu'il avait cette intuition, cette vision extraordinaire. Ce mec, c'est vrai que c'était un génie, quoi. Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit « Le monde n'est pas, il est ce qu'on pense de lui. » Mais je trouve que c'est d'une profondeur. On pourrait faire une dissertation pour le bac, hein. C'est génial, un truc comme ça. Donc vous comprenez alors l'influence de ne pas vous laisser influencer par la mauvaise ambiance entretenue par l'État. Par la télé, par la crise, les médias, la violence, les trucs. Mais il faut pas, quoi. Faut surtout pas se s'imprégner par ça. Et donc sur les 7 milliards d'individus, on pourrait dire qu'il y a 7 milliards de visions du monde. Hein? Puisque chacun vit dans son propre monde, le monde qu'il a pensé pour lui-même. Vous remarquerez que vos amis partagent souvent votre vision du monde, vos valeurs. C'est pour ça que c'est vos amis d'ailleurs. Parce qu'en général, on ne choisit pas forcément des amis qui ne sont pas trop d'accord avec nous. Alors justement, pour aborder l'aspect quantique des choses, j'ai parlé d'énergie. Hein? Alors, par exemple, le physicien Sharon nous déclare que dans l'univers, chaque atome est relié à tous les autres à travers la substance esprit de l'antimatière. Toute connaissance est potentiellement accessible à chaque atome de l'univers. Il faut le faire quand même, hein. Donc la physique quantique a largement démontré aujourd'hui qu'il n'existe pas de séparation dans l'univers, seulement l'unité, et qu'un battement d'ailes à New York peut provoquer un ouragan à Tokyo. Ça, c'est une réalité aussi. Bien entendu, c'est une façon de parler. Mais on nous fait prendre conscience que rien dans ce monde n'est séparé de nous et que tout ce que l'on fait peut affecter le monde. Donc, ce que vous faites, ce que vous pensez, tout votre entourage, vos enfants, vos parents, les personnes qui travaillent avec vous, on est donc tout puissant, quoi, quand même. Hein, c'est... Quand je dis qu'on est des petits dieux sur pattes, peut-être est-ce que vous connaissez cette expérience de la lapine avec les bébés lapins? On avait mis des électrodes, je peux en parler. On avait mis des électrodes sur la tête de la mère. Elle avait 5 ou 6 petits qu'on avait emmenés dans un sous-marin à 5000 km de là. le capitaine, bon, c'est assez cruel comme expérience encore, le capitaine devait juste, on avait réglé les montres, et il devait massacrer un des petits quand il voulait, mais il devait noter l'heure exacte du moment où il le faisait. Eh bien, quand ils sont revenus, ils ont regardé leur croquis et ils se sont aperçus qu'à exactement à l'heure où le capitaine massacrait un pauvre petit lapin, eh bien, il y avait un pic de stress sur l'électrode de la mer. C'est un truc de dingue. Donc, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Le quantique, justement, est un nouveau paradigme, une nouvelle vision qui nous oblige à penser différemment. Ils essayent de nous parler de ce fameux de chat de Schrödinger qui, un instant en avant, il est vivant et puis il est mort en même temps. C'est un peu une façon débile d'expliquer le quantique. Mais comme on n'est plus dans l'espace-temps, comme on n'est plus dans nos cinq sens, on n'est pas à cet endroit-là, on est sur un autre plan où on est dans l'instantanéité. Je touche un de vos photons, eh bien, le photon jumeau, il peut être sur la planète Mars, vous le touchez en même temps et il aura le même comportement. C'est incroyable! Ça sort de notre mental. C'est ce qui me fait dire d'ailleurs qu'à mon avis, moi je ne crois pas à la réincarnation, mais je suis certaine qu'on change de plan. Et quand on est mort, donc cette enveloppe, elle reste, elle est comme une enveloppe, parce que c'est notre âme à ganter et rentrer dans notre corps pour faire l'expérience de cette matière. Mais on change de plan. Et selon le travail qu'on aura fait, vibratoirement, on sera sur des plans différents. Mais cette conscience, elle sera toujours là. Et on n'a pas eu de passé. On est juste l'aboutissement de tout un transgénérationnel, de toutes ces mémoires. Nous sommes là, nous n'avons pas été là avant. Et nous continuerons vibratoirement sur d'autres plans. Ça, c'est ma vision. Hein. Mais c'est la mienne. Hein. Si on doit conclure, je t'ai eu la parole libre pendant les deux émissions, mais tu l'auras encore pour cinq minutes pour conclure. Qu'est-ce que tu veux conclure? Ben, vous pouvez créer la vie que vous voulez. Vous êtes 100% responsable de ce qui vous arrive. Donc, si vous arrive des choses négatives, et croyez-moi, j'ai eu mon compte, donc je sais de quoi je parle. Bien sûr que j'ai été victime, bien sûr que j'ai joué la comédie de la victimisation comme tout le monde parce que je n'avais appris que ça. Mais je peux vous le dire en vérité, Béhémeth. Eh bien, je peux vous dire qu'on peut changer le cours de sa vie. On peut réaliser son rêve, mais c'est un rêve. Il faut d'abord le rêver, il faut d'abord le penser, il faut d'abord l'intégrer. Et à ce moment-là, concrètement, le mettre en place. Avec une conscience absolue, avec une authenticité absolue, avec une intégrité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tergiverser, il faut qu'il n'y ait aucune faille en vous. Il faut qu'il y ait dénoncer toutes les lâchetés, tous les évitements que vous pourriez avoir. Et ne pas tergiverser et être totalement authentique, ce qui n'est pas facile, mais d'être bienveillant. Et vous verrez qu'à ce moment-là, les portes s'ouvrent. Merci pour ce temps passé ensemble. Marion, je te chanterai bien une chanson, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans ma vie. C'était Marion Kaplan aujourd'hui dans le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage. Les livres, ils sont nombreux, très très très nombreux. Nutrition consciente, la Bible de l'alimentation du corps et de l'esprit. Le paléobiotique, une préface écrite par Pierre Rabhi. J'arrête la malbouffe, 21 jours pour changer aux éditions Erol, écrit avec le docteur Christian Bourrit. Votre vie est un jeu quantique, aux éditions Brochet, et les 10 commandements de santé aux éditions Jouvence. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon envol, bye.